sent bon qui sort de la douche. Toi celle qui me gratte qui sent de la bouche. J'aime naturel sans rouge à lèvres. J'aime quand son boule me donne la fièvre. Elle se met en valeur pour qu'elle ait l'air jeune. L'autre à 100 ans, elle me dit qu'elle est vierge. Elle s'entretient, elle va cavaler. L'autre est au siècle, je préfère parler. Elle pleure quand son copain la quitte. L'autre non, elle préfère le thème de quitter. Elle boit pas, elle fume pas. L'autre non, c'est l'alcool et le shit. Je dois sortir de vers les gouttes. L'autre elle veut pas, elle préfère le hood. Elle la galère, elle veut pas la voir. L'autre tue sa vie dans les parloirs. Elle a fini au bord de l'homme. L'autre s'est senti abandonné. Elle, la beauté qui fait son charme. L'autre, c'est tout ce qu'elle veut donner. Pour elle sortir le soir, c'est pas permis. L'autre est venu, franco sans permis. Elle y a papa qui tient la poussette. L'autre c'est elle-même qui paye ses dettes. Elle, elle a son daron. L'autre galère pour avoir un garant. Elle, elle sort pour Miami. L'autre n'a pas respecté son préavis. Pour elle tout va bien en ce moment. L'autre est retourné chez maman. Elle sort à l'occasion, chacun sans l'occasion. L'autre aime trop les bastons, mais elle a le bracelet, mon garçon. Elle aime trop se faire belle, elle est au pays des merveilles. L'autre en a rien à foutre, souvent du big énervé. Elle a la boco, elle mérite des bobs. L'autre a les crocs, elle sort de la map. Elle a ce qu'il fait, raconte sa life. Elle raconte sa life. Elle a fini au bord des larmes. L'autre s'est senti abandonné. Elle, c'est la beauté qui fait son charme. L'autre, c'est tout ce qu'elle peut donner. Abandon.